Merci Tiphaine. Aujourd'hui, dans la compagnie, on continue de parler de Le Clésio, écrivain de paysages tout autant intérieurs qu'extérieurs. La compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. L'œuvre de Le Clésio a ceci de paradoxal, qu'elle parle beaucoup des lointains et des grands espaces sans être pourtant une littérature vraiment d'évasion. Elle est même résolument une littérature de recherche. Sa vie est bien souvent présente dans ses romans, quoique de façon pudique et détournée, une vie que nous avons tenté de dessiner lundi dernier lors de notre émission introductive avec Michel Gazier et Aliette Armel. Mais de quoi parlent les romans de Le Clésio et quelles sont ses grandes influences? L'enfance, le mythe de la mer, l'exil, l'écologie, nous avons évoqué mardi tous ces thèmes avec Isabelle Roussel-Gillet, qui a également rappelé l'importance de Michaud, Lautréamont et Rimbaud dans les influences du prix Nobel de littérature 2008. Enfin, hier, c'est de la place de la modernité et de la ville dans son œuvre dont il a été question. Marina Sall est venue nous en parler. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, pour évoquer les ailleurs géographiques et méditatifs de Le Clésio, nous sommes en compagnie de l'universitaire Bruno Thibault, qui a beaucoup écrit sur lui. On peut citer JMG Le Clésio et la métaphore exotique aux éditions Rodopi en 2009. Il a également dirigé plusieurs ouvrages collectifs comme JMG Le Clésio dans la forêt des paradoxes, un livre issu du colloque international qui s'était tenu à l'Université d'État du Mississippi au printemps 2010 et qui avait ensuite paru à l'Harmattan en 2012. Bienvenue à tous, voici la compagnie des œuvres. Qu'est-ce que c'est que vivre dans la littérature? C'est-à-dire, comme je suis effectivement assez itinérant et instable et pas très sûr de l'endroit où je veux habiter, il faut bien que je me relie à une identité. Et pour moi, l'identité, ça passe par le langage écrit, ça passe par les livres. En fait, je dirais que ma vraie famille, c'est dans les livres que je la trouve. C'est moins l'ancêtre dont vous parlez que peut-être Balzac, les personnages de Balzac, ou des personnages de Marguerite de Navarre, peut-être. Ce sont ceux-là, peut-être. C'est votre vraie famille. Oui, je dirais que c'est plutôt là que je trouverais ma famille. C'est votre patrie, même. Oui, ma patrie, parce que c'est un territoire, la littérature. Ce n'est pas abstrait. C'est fait de souvenirs, c'est fait d'objets, de paysages, de livres, donc de l'objet livre, mais aussi de tout ce qu'on trouve dans les livres, qui sont des sensations. On arrive même à confondre ses propres souvenirs avec ceux qu'on a dans les livres, ceux qu'on gagne à lire. Extrait d'un bouillon de culture avec Bernard Pivot en 1999. Bonjour à vous, Bruno Thibault. Bonjour. On a beaucoup de chance de vous avoir aujourd'hui puisque vous vivez aux États-Unis, vous enseignez à l'université du Delaware, vous enseignez la civilisation, le cinéma français et vous travaillez aussi sur Le Clésio. Est-ce que ça signifie que c'est un écrivain qui intéresse de l'autre côté de l'Atlantique? Ah oui, qui intéresse certainement. La grande question qu'on pose à ce sujet en général, c'est la question des publications. Et vous savez que, et des traductions. Et vous savez qu'aux États-Unis, on le condamne souvent dans la presse française, il y a une certaine frilosité plutôt, des maisons d'édition américaines. Frivolité peut-être aussi. Non. Enfin, c'est-à-dire, on traduit peu de l'étranger. On traduit évidemment de grands textes venus d'Allemagne, de France, d'Europe en général, d'Amérique latine, etc. Mais c'est vrai que les grandes maisons d'édition ne font pas l'équivalent de ce que font les maisons d'édition françaises. Ceci étant dit, le monde de l'édition aux États-Unis n'est nullement fermé parce que le monde anglo-saxon est gigantesque. Et donc, à l'intérieur de la langue anglaise, il y a quantité de questions de tradition nationale. Donc c'est pas juste anglo-américain. Et puis d'autre part, je crois qu'il faut saluer le courage de petites maisons d'édition qui, elles, prennent le risque de publier des textes souvent difficiles ou réputés difficiles. Et là, je crois que Jean-Marie Le Clézio, dès le début, a bénéficié, alors bon, avec le prix Renaudot, donc dès les années... Ah oui, certainement, les grands textes ont été traduits dès les années 70, Procès-verbal, Les Géants, La Guerre, etc., ont été d'ailleurs très bien traduits. Oui, parce que c'est la langue quand même qui compte beaucoup avec Le Clézio. Et ce sont des textes expérimentaux, donc assez difficiles peut-être aussi à traduire. Quoi qu'il en soit, un grand succès dès le début à partir du prix Renaudot. Et puis c'est vrai, après il y a eu un certain effacement. On a vu la même chose d'ailleurs dans l'université française. À ce moment-là, on tourne un peu le dos à l'auteur. Pour quelle raison, oui, d'après vous ? Vous savez, je crois qu'il a fallu un certain courage pour ce jeune écrivain de 23 ans, 24 ans, 25 ans, pour tourner le dos au succès. Parce qu'au fond, il aurait pu mener une carrière facile dans le petit monde germano-pratin. Et puis, c'est quelqu'un qui a eu... Il vient de Nice, vous le savez, on en a beaucoup parlé... Paris, c'est un environnement un petit peu étranger pour lui. Et puis cette course aux honneurs, ce milieu intellectuel, tout ça. Je crois que l'auteur, très jeune et avec une certaine lucidité, a compris que ce n'était pas sa voie. Et donc, du coup, comme en miroir, on l'a aussi un petit peu oublié à un moment donné. Précisément. Et je crois que là, c'est courageux, et puis je crois que ça a considérablement enrichi son œuvre, bien sûr son expérience sur le plan humain, mais son œuvre. Et donc il y a ce grand retour à partir des années 80, et puis bon, vous connaissez le reste de cette magnifique carrière jusqu'au prix Nobel. Le prix Nobel d'ailleurs a généré de nouveau un intérêt et des nouvelles publications et traductions. Désert a été traduit en anglais, et la critique, là, américaine, a vraiment... était assez louangeuse. Alors c'est un peu la première fois peut-être, parce que traditionnellement la critique américaine considère que les œuvres de Le Clézio sont un peu naïves. C'est d'ailleurs une critique qu'on peut retrouver aussi en France sous la plume d'un certain nombre de gens. Je pense à Bernard-Henri Lévy, Guy Scarpetta aussi. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire aussi, que certaines personnes peuvent dire que sa littérature est naïve selon vous ? Oui, alors aux États-Unis, on dira aussi exoticisant, voilà. Et il y a cette idée que ces romans présentent une sorte de vision un peu idéalisée de l'étranger, de l'étranger primitif, de tradition culturelle ancienne, voilà, une sorte de nostalgie des origines, si vous voulez. Je crois que ça correspond à une lecture peut-être superficielle et à un certain contresens sur l'œuvre, parce que si vous regardez de plus près les grands romans leclésiens, ce sont, pour reprendre une expression de Bruno Blankmann, ce sont des récits indécidables. Et je crois qu'il faut vraiment insister sur cette idée. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez, un personnage qui suit un rêve, qui est hanté par une fable, par un grand mythe, voilà, une quête des origines peut-être, et puis un lien avec le sacré. C'est présent dans le texte, absolument. Mais le texte, en même temps, va déconstruire cela. Et vous avez donc au cœur du texte ce que Blankmann appelle une certaine schizée. C'est-à-dire, c'est un texte qui déconstruit la fable qu'il génère en même temps. Et les grandes quêtes leclésiennes n'aboutissent pas. On oublie de le dire. C'est une écriture du désenchantement. On va parler un peu plus tard de la quarantaine. C'est un très bel exemple de cela. Frolov, oui, en parlera pour la chronique. Mais c'est vrai qu'il y a, par exemple, une représentation de la pauvreté, de la misère, qui est presque toujours à la limite de l'idéalisation. Finalement, être pauvre chez Le Clézio, c'est une grande chance. Et c'est ça qui vous rend meilleur. En tout cas, c'est le sentiment qu'on peut avoir. Oui, je n'irai pas jusque-là, évidemment. Je crois qu'il y a les passages auxquels vous faites allusion, je crois, ce sont ces passages qui, dans les années 80, mettent en scène des anti-sites ou des lieux dystopiques, notamment le bidonville. Et je crois que c'est vraiment intéressant de voir comment cet espace-là, le bidonville ou le camp de réfugiés, a commencé à apparaître dans le champ littéraire français à partir des années 80. Et certainement, sous la plume de Le Clésio, ça devient un motif récurrent. Et je crois que c'est... d'abord, il y a une expérience humaine. Je ne sais pas si vous êtes allé dans des bidonvilles du tiers-monde, mais non, ça, mais ça décoiffe France, et ça se coupe. Non, mais en France, j'en ai visité, oui. Oui. En Seine-Saint-Denis, c'est il vrai. Y en a. Oui, c'est un sujet d'actualité. Il n'y a pas besoin d'aller si loin pour voir cela. Et c'est la même chose aux États-Unis, comme vous le savez. Il y a des ghettos... Mais vous n'avez pas le sentiment il y a une idéalisation tout de même chez Le Clésio de la pauvreté. Il y a une quête. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc vous avez le personnage qui parfois est issu de ce milieu du bidonville et qui, et c'est vraiment la grande thématique leclésienne, l'émigration vers l'Europe, et puis on en parlera peut-être à propos de Poisson d'Or, vers les États-Unis. Donc oui, il y a certainement... idéalisation, non, parce que c'est là où je ne partage pas votre point de vue. C'est pas mon point de vue, c'est juste d'accord. Une question. Bien sûr. Je crois que le personnage du migrant est tout à fait intéressant. Parce que pour Jean-Marie, je crois que c'est le personnage moderne par excellence. C'est quelqu'un qui s'arrache à des traditions, à des déterminations ethniques, linguistiques, sociales, etc. Et qui essaye peut-être de construire, de se construire ou de construire une nouvelle vie. Et c'est ça, cher Mathieu, le projet moderne, c'est cela. C'est cette idée que vous pouvez construire votre vie. Des œuvres sur France Culture. Alors, Le Clésio, un écrivain des pauvres, un écrivain des exclus, comme on vient de le dire, Bruno Thibault, mais aussi un poète lyrique, un écrivain de la sensualité, un écrivain d'une certaine extase. C'est un paradoxe. Vous avez écrit justement un livre sous-titré, même intitulé Le Clésio dans la forêt des paradoxes. Oui. Est-ce que c'en est un de paradoxe là ? Oui, certainement. Et alors bon, d'abord, ce fameux colloque, lorsque ce collègue américain que je salue, Keith Mose, m'avait proposé d'organiser ce colloque dans le Mississippi, nous avions pensé que c'était peut-être pas utile de faire encore un colloque sur des thématiques assez convenues et nous voulions interroger les paradoxes, les contradictions ou les revirements de l'œuvre, si vous voulez. Et je crois que Jean-Marie Clésio nous avait invité à faire ce travail dans son discours de réception au prix Nobel qui s'appelle « Dans la forêt des paradoxes » et dans lequel il faisait lui-même la liste de certains paradoxes auxquels il avait été confronté dans son travail d'écriture. Et le paradoxe, il est là, regardez la façon dont le jury du prix Nobel explique l'attribution de ce prix à cet auteur. Oui, un écrivain de l'extase, l'extase matérielle, de la sensualité, de l'aventure, c'est très présent. Et en même temps, vous l'avez évoqué il y a quelques secondes, quelqu'un qui s'intéresse aux damnés de la terre, aux déshérités, voilà. Et la phrase du jury est intéressante aussi. Il parle de ceux qu'a oublié, si vous voulez, la civilisation régnante ou dominante. Alors, il faudrait s'interroger sur ce qu'est exactement cette civilisation régnante. Mais ce double aspect, oui, il est présent. Globalement, c'est l'Occident quand même. Bien sûr, bien sûr. Il me semble que c'est clair. Il me semble que c'est clair. Voilà. Oui, ce double volet, cette double facette est présente dans l'œuvre. Mais encore une fois, il y a un trajet. Et trajet que peut-être le migrant, parmi d'autres personnages, et invite le lecteur à poursuivre. On va écouter un extrait de ce discours du Nobel, intitulé donc par Le Clésio, dans La forêt des paradoxes. Cette forêt de paradoxes, comme l'a nommé Stieg Dagerman, c'est justement le domaine de l'écriture, le lieu dont l'artiste ne doit pas chercher à s'échapper, mais bien au contraire, dans lequel il doit camper pour en reconnaître chaque détail, pour explorer chaque sentier, pour donner son nom à chaque arbre. Ce n'est pas toujours un séjour agréable. Lui qui se croyait à l'abri, elle qui se confiait à sa page comme à une amie intime et indulgente, les voici confrontés au réel, non pas seulement comme observateurs, mais aussi comme acteurs. Il leur faut choisir leur camp, prendre des distances. Cicéron, Rabelais, Condorcet, Rousseau, Madame de Staël, ou bien plus récemment Solzhenitsyn ou Hwang Sok-yong, Abdelatif Lahabi ou Milan Kundera, ont eu à prendre la route de l'exil. Pour moi qui ai toujours connu, sauf durant la brève période de la guerre, la possibilité de mouvement, l'interdiction de vivre dans le lieu qu'on a choisi est aussi inacceptable que la privation de liberté. Mais cette liberté de bouger comme un privilège a pour conséquence le paradoxe. Voyez l'arbre aux épines hérissées au sein de la forêt qu'habite l'écrivain. Cet homme, cette femme occupée à écrire, à inventer leurs songes, ne sont-ils pas les membres d'une très heureuse et réduite happy few ? Sur France Culture, on sent presque une culpabilité, une tension dans ce que disait là Jean-Marie Gustave Le Clésio, lui qui en 2008 venait de publier un roman intitulé Ritournelle de la faim et qui a conscience que sa littérature elle n'est pas destinée, elle n'est pas lue en tout cas dans les bidonvilles dont on parlait tout à l'heure, elle est lue par des happy few. Est-ce qu'il vous a parlé, si vous avez eu l'occasion de le rencontrer, de cette tension ? D'abord, vous ne rêvez pas, et oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'auteur à plusieurs reprises, notamment à l'université du Delaware, où il est venu passer quelques jours, il y a une dizaine d'années, enfin après la réception du prix Nobel. Et oui, bien sûr, c'est très présent. Et voilà, c'est un des paradoxes que nous discutons dans le volume auquel vous faisiez allusion. Bon, chacun sait que écrire, c'est un positionnement difficile. Vous faites partie d'une élite, vous avez été éduqué en général, voilà, vous êtes dans un monde de privilégiés et vous écrivez. Peut-être pas pour des privilégiés, mais vous vous adressez à des privilégiés, des gens qui ont le loisir de vous lire, d'acheter le livre, etc. Évidemment, y a un porte-à-faux là, mais et un certain malaise, alors culpabilité. Puis on n'agit pas en même temps quand on écrit. Enfin, voilà, écrire c'est agir, mais c'est peut-être pas suffisant non plus. Écrire c'est communiquer, précisément. Donc c'est agir. Précisément. Mais ça n'est pas agir au sens plus concret, qui serait d'aider vraiment sur le terrain, pourrait-on dire. Alors, à ce propos, deux choses. Donc, d'une part, je crois que Jean-Marie Le Clésio considère que, bien, tous les écrivains, c'est vrai, ne s'adressent pas aux damnés de la Terre, pas directement, ne peuvent pas s'adresser directement à ces gens qui n'ont pas d'argent pour acheter les livres, ni de temps pour les lire. Mais en même temps, il y a un positionnement possible. Vous pouvez vous faire complice de l'idéologie dominante ou la civilisation dominante ou les privilégiés, appelez ça comme vous voulez, ou vous pouvez écrire pour distraire ces gens-là, ou au contraire, vous pouvez peut-être écrire pour essayer d'instruire, vous pouvez écrire pour essayer de faire porter la voix de ce qu'on n'entend pas. Et là, il y a un danger aussi, parce que nous le savons tous, depuis au moins les années 70, en Europe et aux États-Unis, c'est difficile de faire de la littérature engagée. Vous savez tout ce qui s'est passé au XXe siècle, évidemment, et on a du mal, c'est difficile pour un écrivain de prendre la posture de Zola aujourd'hui, ou de Zola, ou Sartre et Camus, Sartre, etc. Oui. Bien sûr, on y pense immédiatement. en même temps, est-ce que c'est possible de se désengager ? Bien sûr que non. Donc je crois que, et là aussi il faut peut-être saluer le courage et, de l'écrivain, qui dans ce cas-là n'hésite pas, vous le savez, à s'adresser au grand public à travers la presse, à la radio évidemment, notamment sur la question des migrants. L'auteur a pris à partie le gouvernement, l'auteur est intervenu à propos de la dublinisation des réfugiés, etc., etc. Donc il y a aussi un engagement, une action publique ou citoyenne plutôt, qui est peut-être nécessaire aussi, en complément à l'écriture, si vous voulez. Alors, Le Clésio n'a pas écrit toute sa vie. Il y a des moments où il a moins écrit, et notamment des moments où il ne pouvait pas écrire parce qu'il était dans des conditions qui ne lui permettaient pas de le faire beaucoup. Et je pense en particulier aux 3 années où il est allé beaucoup vivre chez les Indiens Amberas et Wonanas, qui sont donc les habitants du Darién, un lieu qui se situe dans la forêt tropicale du Panama. Il a tiré de cette expérience plusieurs ouvrages, et en particulier un essai qui s'appelle High, qui a été publié aux éditions Skira en 1971. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, nous dire de quoi il s'agit, Bruno Thibault ? Oui, volontiers. Alors, bon, AI, parce que pardon. Si vous regardez vraiment la façon dont c'est écrit... Et puis, il y a un tréma sur le I, c'est vrai. Voilà, et puis il y a peut-être un double sens, puisque AI, c'est l'Indien qui a été traditionnellement haï ou exclu ou rejeté, marginalisé certainement. Et d'autre part, c'est un terme indien qui veut dire énergie, psychique, mentale, spirituelle. Donc AI, c'est un beau livre d'abord. Ça a été publié à l'origine dans les Sentiers de la Création, vous savez, cette très belle collection. Et il y avait en vis-à-vis, toutes les 2-3 pages, il y avait d'un côté des photos, disons, de publicitaires par exemple, qui montraient un petit peu certains aspects du monde occidental. Et en vis-à-vis, vous aviez des reproductions d'objets indiens qui voulaient évoquer justement la mentalité indienne, oui, du Darién panaméen et d'ailleurs. Donc, il y a cette opposition dans le texte, alors que certains ont trouvé un petit peu facile, outré ou caricatural, mais il y a certainement cette volonté chez l'auteur en 71 de mettre en vis-à-vis son expérience à lui. D'un côté, l'expérience de la ville moderne et en même temps d'une fuite, si vous voulez, en dehors de la ville moderne et un intérêt réel pour, oui, les peuples premiers. Et je crois qu'il faut là aussi mettre l'accent sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une coquetterie ou d'une mode pour l'écrivain. Il s'agit vraiment d'une crise intellectuelle, et j'irais même plus loin, spirituelle. Je ne sais pas trop comment cela est possible, mais c'est ainsi. Je suis un Indien. Je ne le savais pas avant d'avoir rencontré les Indiens au Mexique, au Panama. Maintenant, je le sais. Je ne suis peut-être pas un très bon indien, je ne sais pas cultiver le maïs ni tailler une pirogue. Le peyote, le mezcal, la chicha mastiquée n'ont pas beaucoup d'effet sur moi. Mais pour tout le reste, la façon de marcher, de parler, d'aimer ou d'avoir peur, je peux le dire ainsi. Quand j'ai rencontré ces peuples indiens, moi qui ne croyais pas avoir spécialement de famille, c'est comme si tout à coup j'avais connu des milliers de pères, de frères et d'épouses. Le silence obsède les Indiens. Un jour, il viendra peut-être jusqu'à nous. Il nous recouvrira peut-être, entrera à l'intérieur de notre corps. Il viendra, il brisera les milliers d'ampoules électriques, de phares, de feux clignotants, de vitrines embrasées. Qui qu'était-il, Bruno Thibault, Le Clésio au Panama? Ou plutôt, qui n'était-il pas? Il n'était pas un explorateur, il n'était pas un colon, il n'était pas un reporter, il n'était pas un touriste. Était-il cependant un Indien? Alors voilà, c'est toute la question. À cette époque-là, Jean-Marie Le Clésio s'intéresse aussi à l'anthropologie. Alors il est beaucoup plus proche évidemment de l'anthropologie religieuse, d'un Mircea Eliade que du structuralisme de Lévi-Strauss. Et par la suite, ils ont eu de nombreux échanges et on pourra en parler à une autre occasion peut-être. Mais le AI marque la rencontre avec le chamanisme. Et ça, je crois que c'est un leitmotiv à travers toute l'œuvre, parce que ce qui intéresse Le Clésio lorsqu'il écrit sur le Maroc, eh bien, ce sont les traditions chamaniques du Maroc, qu'on trouve même dans le soufisme. Lorsqu'il parle de Maurice, le chamanisme est présent aussi, Vanuatu, même chose, donc l'Afrique, et bien sûr l'Amérique méso-américaine. Donc le chamanisme est important, cette tradition religieuse. On dit quelquefois que c'est la plus vieille religion de l'humanité. On a des éléments qui laissent présupposer que c'est, oui, c'est vrai, déjà pendant la période néolithique, le chamanisme est déjà sans doute présent. Donc c'est très ancien, cette croyance aux esprits, etc. Et d'autre part, ces sociétés indiennes, pour Le Clésio, ont été un modèle de vie, mais aussi lui ont inspiré une certaine conception de l'art et de l'écriture. Et ça, c'est aussi très important, je crois. Mais alors, sur cette question du chamanisme, il ne faudrait pas imaginer non plus Le Clésio ayant un rapport avec les psychotropes, par exemple, très développé, comme, je ne sais pas, d'autres écrivains qui en ont parlé, encore Amélie Nothomb récemment, ou Junger, qui aussi consommer des champignons. Lui, c'est pas ça exactement. C'est quoi en fait son rapport finalement au chamanisme? Alors c'était un grand débat. Vous vous rappelez les publications L'herbe du diable et la petite fumée hein, dans les années 60. Il y avait un grand débat à l'intérieur de ce milieu de l'anthropologie, de l'ethnologie et de l'utilisation de ces drogues hallucinogènes qui permettent une certaine, peut-être initiation, qui sont utilisées, on le sait, dans des cérémonies d'initiation à travers toutes les cultures et les continents. Donc, Jean-Marie Le Clésio a écrit là-dessus, il a écrit Midriase. La Midriase, pour nos lecteurs qui connaissent pas ce mot, c'est la dilatation de la rétine, des pupilles, après l'absorption du datura, voilà. Il a écrit aussi un essai qu'il a publié puis retiré, ça c'est tout à fait intéressant, qui s'appelle « Le génie d'Atura » et qui évoque un petit peu ses visions lorsqu'il a pris ses substances. Alors, est-ce que c'est de l'autocensure? Est-ce qu'il y a un malaise? D'abord, c'est vrai que ça passe mal, en tout cas dans ces années-là, ça passait mal. Et auprès du public, du grand public, ça passe peut-être mal, un écrivain qui prend des psychotropes. En même temps, dans les années 70... Oui, quand même, c'était un petit peu de tendance à l'époque. Donc certainement, il y a cette... Mais aussi plus profondément, parce que l'auteur l'a indiqué dans plusieurs entretiens, il s'est aperçu au bout d'un moment qu'il y a tout de même ce danger d'impudeur, c'est-à-dire de parler de ces relations, de cette initiation qui, au fond, appartient à cette population-là. Il pourrait reprendre à son compte l'idée d'appropriation culturelle sur ce sujet-là. Oui, puis voilà, c'est ça. Et puis, il ne faut pas... c'est un très, très vaste sujet. Vous avez sans doute... quand on lit AI, on voit que cet ouvrage s'inscrit très bien dans le débat de l'anthropologie de ces années-là. Il y a un livre assez récent de Vincent de Benne, qui s'appelle L'adieu au voyage, et qui parle de cette très grande tradition des anthropologues français qui sont très proches de l'expérience littéraire, hein, les Léris, par exemple Griol, Léris et d'autres. Et je crois que... Alors, De Benne ne parle pas de Le Clésio dans son livre. Alors, je l'avais contacté au moment de la publication du livre et je lui ai dit, mais pourquoi pas Jean-Marie Le Clésio? Il m'a dit, c'est vrai, j'aurais peut-être dû, ça marcherait assez bien. Et à l'époque, il m'a dit, je vais sans doute y revenir. Voilà, donc Ça n'est pas un anthropologue, diplômé, l'auteur, à cette époque-là. Mais c'est quelqu'un qui est traversé par cette expérience, oui, de l'initiation, du chamanisme. Oui. Et c'est quelqu'un qui regrette évidemment la disparition quasiment totale de ces civilisations et qui semble se poser sans cesse la question: que se serait-il passé s'il n'y avait pas eu la colonisation par les Espagnols, les Portugais, voilà, de l'Amérique latine, et évidemment plus tard la colonisation occidentale en Afrique. Voilà, vous pensez au rêve mexicain, par exemple, son essai sur justement la façon dont l'Amérique a été, donc le monde indien a disparu, a été exterminé, évacué par l'Europe. Bien sûr, c'est une grande thématique chez lui. Mais en même temps, il y a cet intérêt. Alors, on peut en reparler. Il y a les influences littéraires américaines sur le Clésio. Je serais content d'en parler. Il y a des choses importantes à dire là-dessus. Mais il y a aussi ce qu'on a appelé le réalisme magique latino-américain. Et ça c'est lié au chamanisme. Parce que les Juan Rulfo, ce genre d'écrivain. García Márquez. Voilà. Et ils sont nombreux. Hein. Alors bon, il y a des gens comme Mario Vargas Llosa, vous le savez, qui a écrit des essais contre ce qu'il appelle l'indigénisme ou l'idéologie indigéniste, et qui s'est un peu opposé à ce courant-là. Hein. Pour nos auditeurs, je le rappelle, c'est un écrivain péruvien, espagnol, hein, qui connaît bien le monde latino-américain et qui s'est élevé contre ce qu'il considère comme une sorte de faux indigénisme, etc. Mais c'est vrai que le réalisme magique qui a été si important dans la littérature latino-américaine des années 70, 80, etc., a profondément marqué... Dans quel livre, par exemple, de Le Clésio ? Angola, Mali, qui est une longue nouvelle, une novella, si vous voulez. Une longue nouvelle. Et même sur plusieurs textes qui ne se déroule pas forcément en Amérique latine, mais vous avez cette imprégnation du réalisme magique dans Désert, dans La Quarantaine, dans d'autres ouvrages, Le Chercheur d'Or, évidemment. On va continuer de parler de tout ça et aussi de la littérature nord-américaine dans les influences de Le Clésio avec vous, Bruno Thibault. Mais d'abord, un autre regard sur le prix Nobel de littérature 2008 avec la chronique de Nathalie Frolov. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Nathalie Frolov, professeure en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand à Paris. Bonjour à vous, Nathalie. Bonjour Mathieu. Et merci d'être là. Vous nous parlez aujourd'hui, comme promis, de ce roman de Le Clésio qui s'appelle « La quarantaine ». Oui, avec Aliette Hermel, lundi, vous avez évoqué en fait la référence de Jean-Marie Le Clésio à Salinger, qui est faite dans son discours du prix Nobel. Mais il est vrai qu'en fait, cet auteur n'est pas le premier qui vient à l'esprit, en fait, quand on pense aussi bien au Chercheur d'Or ou à Désert. Effectivement, l'errance d'Holden Caulfield à New York semble bien loin. Entre Central Park et le sud du Maroc. Voilà, ça semble quand même très loin de ces personnages qui vont voyager au bout du monde. On peut peut-être trouver un fil un peu ténu par la présence de personnages au sortir de l'enfance, ces adolescents infatués de poésie qui sont dans l'inquiétude et l'expectative. Je pense à Léon, dans La Quarantaine, ce double de Rimbaud qui va égrener au fil des pages le bateau ivre comme un mantra. Cette figure du poète, donc de Rimbaud, vient ponctuer justement le roman de manière très étonnante. Il est d'abord un personnage qui fait un esclandre incroyable dans un café parisien alors qu'il vient trouver Verlaine, mais il réapparaît ensuite à Aden, mourant, enfin désormais complètement inconnu sur la terre, comme un homme méconnaissable en proie au délire et qui évoque les chiens en fait qui le poursuivent. Le bateau ivre, tout comme l'invitation au voyage de Baudelaire, sont comme donc des palimpsestes qui convient les lecteurs à une aventure lointaine et étrange. C'est un livre fascinant que La Quarantaine, hein, par sa structure circulaire qui est très chère à Le Clésio, mais surtout par la façon dont les différentes voix de narrateurs s'entremêlent sans jamais perdre le lecteur. Ça, c'est assez extraordinaire. On a un premier narrateur qui est le petit-fils de Jacques et de Suzanne. Il va laisser la place en fait au frère de celui-ci qui s'appelle Léon, puis en fait un journal d'un botaniste, John Metcalfe, Et ces trois voix mènent à une plus discrète, celle qui va raconter le périple du personnage Giribalda et de la petite Ananta. Bon, sans doute, le Clésio, il nous aide un petit peu, hein, parce qu'il va jouer sur la typographie, mais des italiques, des marges plus ou moins importantes pour nous signifier qu'on est en train de changer d'histoire. On arrive dans un récit d'une aventure, et c'est un petit peu comme Marlowe dans Au cœur des ténèbres de Conrad, qui va raconter dans un récit enchâssé toute sa remontée du fleuve Congo en Afrique. Alors justement, est-ce que ce livre, La quarantaine, c'est aussi un roman d'aventure, Nathalie Frolov? Alors, il peut vraiment apparaître comme un parfait roman d'aventure si on pense à Léon, justement, donc l'un des narrateurs. Lui-même s'inscrit dans cette lignée à l'image d'Edmond Dantès et de Robinson Crusoe, qu'il va citer dans son récit. Et tout ce livre pourrait vraiment être lu comme un roman d'aventure et faire ainsi écho à la très belle définition qu'Albert Thibaudet donnait à ce genre il y a tout juste pile, il y a 100 ans en fait, dans le numéro du 1er septembre 1919 de la Nouvelle Revue Française. Alors je vous cite, c'est un peu long mais c'est tellement magnifique. Ça vaut le coup. Voilà. Il dit « Le vrai, le pur et le transparent roman d'aventure, c'est celui dont la dernière démarche consiste à abdiquer l'illusion de l'aventure, à enterrer comme Prospero sa baguette magique, à reconnaître que l'aventure est partout et qu'il suffit de regarder avec certains yeux la vie humaine la plus simple pour la voir s'installer, s'éployer, éclatante d'imprévus dans le royaume de l'extraordinaire. » La quarantaine, conjugue justement ces différents aspects en montrant des personnages qui délaissent une vie banale pour se retrouver sur l'île plate, près de Maurice. Et c'est justement le regard du personnage principal, Léon, qui va faire naître l'aventure en racontant sa découverte progressive de cette île, ponctuée par le journal du botaniste, très précis, et aussi sa fascination pour le personnage de Suryavati. Et là, l'aventure amoureuse vient alors redoubler la quête initiatique, alors que les mythes font jaillir le merveilleux au sein même du quotidien. Bon, alors même si la définition d'Albert Thibaudet est très séduisante, ça ferait un très beau sujet de dissertation, hein, elle ne rend pas complètement compte de toute la complexité de la quarantaine, car comme le titre l'indique, les personnages sont bloqués, immobilisés, en quarantaine, abandonnés à leur sort sur une île, alors qu'ils voulaient aller à Maurice, qui est le terme de leur voyage. Maurice, ça devient un petit peu cette île au loin, cette désirade, pour reprendre les vers d'Apollinaire dans la chanson du Mal-aimé. C'est un lieu mythique au sens que tout y est raconté en fait. Hein. Car justement, si le voyage tourne court, c'est à cause de l'omniprésence de la maladie et de la mort, d'une épidémie de variole qui va être nommée plus tard. Et c'est peut-être là qu'on peut trouver un lien en fait avec Salinger, assez étonnant. Bon, pas tellement avec l'attrape-cœur, mais moi je pense plutôt à Franny et Zoé, avec cette histoire du frère et de la sœur qui tentent d'échapper à la mélancolie, à la mort, et qui par là même cherchent à trouver une interprétation un peu métaphysique de ce qu'ils vivent. Tous les personnages de Salinger, dans tous ses livres, ces trois livres, en effet sont hantés par la disparition du grand frère. Et c'est un petit peu cette ombre portée qui donne du sens à ses récits, tout comme dans La quarantaine. C'est le foisonnement de tout le vocabulaire comme une nouvelle aventure du langage qui permet de mettre en relief par contraste, on pourrait parler de paradoxe ici, l'énigmatique personnage de Léon, nommé lui-même le disparu dans le roman familial. Ben merci beaucoup Nathalie Frolov, on posera la question en deuxième partie de l'émission à Bruno Thibault sur les liens entre Salinger et Le Clésio et aussi sur ses liens avec d'autres écrivains américains. À très bientôt. Merci. C'est d'un Le Clésio, représentant revendiqué de la littérature monde en français, qu'il convient à présent d'étudier. C'est peu à peu que j'ai appris à connaître que Jean-Marie Le Clésio, relevait de cette même forme de mélange culturel, d'enracinement dans une sorte d'éphémère tragique qui est l'éphémère insulaire et qu'il partageait cela avec nous. Et bien sûr, ça m'a d'une part profondément touché et d'autre part, ça m'a donné des sortes de, non pas de clés, mais de pistes pour approcher son œuvre que j'ai mieux comprise une fois que J'ai vu d'où elle sortait, où elle allait. Et je pense que c'est ce qu'on pourrait appeler la dimension insulaire. Mais ceci étant dit, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette dimension insulaire. L'insulaire n'est pas ce qui se replie sur lui-même, l'insulaire n'est pas ce qui se satisfait de lui-même. Au contraire, c'est ce qui est toujours ouvert sur l'ailleurs et sur ce que j'appelle le tout-monde. Et je crois que Jean-Marie Le Clézio est l'exemple achevé de l'écrivain moderne, en ce sens que sa stylistique, disons sa rhétorique au bon sens du terme, participe de cette ouverture sur l'ailleurs. C'est un écrivain français, Le Clézio, mais c'est peut-être un écrivain mondialisé, un écrivain du tout monde. Il a d'ailleurs signé le 16 mars 2007 cet appel, ce manifeste paru dans Le Monde pour une littérature monde en français. C'était une initiative de Michel Lebris et Jean Rouault. Qu'en pensez-vous, Bruno Thibault ? Est-ce qu'il est mondialisé ? Est-ce qu'il est français ? Bon, il est franco-mauricien, ça, de face, avec la double nationalité, et je crois que c'est important de le relever. Bon, c'est vrai, moi je me souviens de l'espèce d'apartheid, je dis ça entre guillemets, qui régnait un petit peu dans les, par exemple dans les librairies françaises à une certaine époque, jusqu'à une dizaine d'années. C'est pas trop le maître. Voilà. Mmh. Voilà. Non, puis même, d'une façon générale, vous aviez d'un côté des étagères littérature française et à côté, vous aviez d'autres étagères littérature d'outre-mer ou francophone. Évidemment, ça n'avait pas de sens. Aujourd'hui, vous allez n'importe où en France, tout est dessous une rubrique littérature francophone. Pourquoi ce manifeste a servi à quelque chose ? Oui, je crois que ça a fait bouger certaines lignes. En même temps, je le répète, c'est un écrivain qui n'a pas participé, au jeu de pouvoir dans le milieu éditorial, etc. Et qui a noué des liens très personnels, très forts, avec des écrivains d'horizons divers, comme Alain Mabankou, Tahar Benjelloun, Ananda Devi, etc. Et puis je crois qu'il a voulu aussi être assez actif dans le prix des 5 continents, donc ce prix aussi qui distingue un écrivain francophone, qui est attribué à un écrivain francophone. Donc oui, la littérature monde, Jean-Marie Le Clézio en parle au moment de la remise du prix Nobel, c'est une forme d'engagement pour lui, certainement. C'est quoi l'interculturel, le multiculturalisme pour lui ? La question du métissage aussi, est-ce qu'il l'affronte réellement selon vous ? Oui, alors bon, ce sont des concepts, évidemment. Si j'ai bien compris, l'interculturel, c'est une façon de mettre un peu à distance le multiculturalisme, qui serait une sorte de juxtaposition ou de ghettoisation des identités, des ethnies, des groupes. Interculturel, je crois que c'est un mot qui met plutôt l'accent sur la mixité, l'échange, le débat, le contact. Voilà. Universalisme aussi ou... Il y a un aspect universaliste et humaniste très marqué chez Jean-Marie Le Clézio. Et ça, je tiens à le souligner parce que là, je crois que le prix Nobel, lorsque le jury a attribué ce prix Nobel à Jean-Marie Le Clézio, au fond, ce jury est revenu aux fondamentaux du prix Nobel, qu'on avait un peu perdu de vue. Mais si vous lisez la description au moment de la fondation du prix Nobel de littérature, les valeurs humanistes, le thème... Alors, l'universel, vous le savez, c'est compliqué dans le paysage postcolonial. C'est pour ça que je parle plutôt de valeurs humanistes. Et là, je crois que tout le monde peut s'entendre là-dessus, ce que ça signifie, quelles sont ces valeurs. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a de la philosophie chez Le Clézio et si oui, quelle serait cette philosophie ? D'où viendrait-elle ? Alors, ça n'est pas un écrivain qui aime écrire des essais. Alors, vous avez l'extase matérielle, vous avez l'inconnu sur la terre, qui sont des sortes d'essais poétiques, en même temps de manifestes littéraires. Ce sont les deux seuls cas où l'auteur, se risque à développer une sorte de, peut-être pas de théorie, mais sa vision du monde et des choses et de l'écriture, etc. Et en fait, si vous regardez ces deux textes publiés à une quinzaine d'années de distance, le second ne corrige un petit peu le premier. Et en fait, plutôt qu'une philosophie, je crois que le second texte, L'inconnu sur la Terre, c'est en fait une réflexion sur la méditation, la méditation comme pratique. Alors là aussi, vous savez, dans les années 60, on s'est un petit peu intéressé à la méditation. Aujourd'hui, on en parle partout, on parle même de méditation dans les entreprises. Tout le monde est d'accord qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une philosophie, mais d'une pratique. Mm-hmm. Hein, et je crois que nombreux sont les gens qui méditent aujourd'hui. Ce qui est intéressant chez cet écrivain, c'est que évidemment, il éprouve une attirance particulière pour les spiritualités orientales. Et puis, c'est quand même compliqué parce que on met dans le même sac des choses qui sont assez distinctes. Vous avez méditation, chamanisme. Bon, il y a des liens, mais c'est pas exactement la même chose non plus. Hein, le monde des esprits et la méditation, le bouddhisme zen. En tout cas, il n'y a pas de religion au sens de religion monothéiste. Voilà. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de transcendance. C'est un mot qu'il précisément. Vous venez de dire c'est ça. Alors, ça serait ridicule de soutenir qu'il n'y a pas de tradition spirituelle en Occident. Bien sûr, et d'autre part, la transcendance chrétienne est un petit peu compliquée avec la tradition de la mystique chrétienne. Hein. La mystique est différente de la doctrine de l'Église, vous le savez, et depuis toujours. En même temps, vous avez raison, il y a ce rapport ou ce contact à l'être. Et ça, c'est hors transcendance, on est d'accord. Si il y a de la philosophie chez Le Clésio, c'est une philosophie qui n'est pas une philosophie cartésienne, qui est une philosophie même d'avant Descartes, et qui est développée dans une certaine forme de narrativité. Parce que j'aimerais rebondir sur la question d'il y a quelques minutes. Pourquoi Le Clésio a été très sensible à la littérature anglo-saxonne? Comme jeune homme, plus qu'à la littérature. Bien sûr, il a lu Sartre, hein, tout le monde lisait Sartre à l'époque, etc. Mais pourquoi cette sensibilité particulière? Bon, d'abord parce que dans sa famille, il y a cet héritage britannique par Maurice. Bon, d'accord. Donc on peut citer des noms. Alors justement, hein. Kipling, les grands, hein, alors britanniques ou américains, donc Kipling, dans le désordre, hein, Kipling, Melville, Conrad, évidemment. La Beat Generation aussi. Kerouac, certainement, dans le livre des fuites, Kerouac est tout à fait présent. Mais il y a des personnages comme Gold. Il y a aussi D.H. Lawrence. Tous ces écrivains ont eu un impact sur le jeune Le Clésio. Et pourquoi? Parce qu'à chaque fois, de son point de vue, ce sont des auteurs qui parlent d'une transformation, d'une conversion, si vous voulez. On passe d'une sorte de conscience formatée, occidentale, intellectuelle, cérébrale, à une expérience beaucoup plus sensuelle et corporelle et qui serait liée quelque part à l'extase matérielle, à la méditation. Voilà. Donc, vous voyez de la méditation chez Flannery O'Connor, chez. Alors, justement, ça, c'est autre chose. C'est vrai que le jeune Le Clésio a publié, parce qu'il parlait anglais, parce qu'il était assez au courant de ce qui s'écrivait aux États-Unis, a publié comme jeune écrivain, moins par la suite, mais il a publié quelques essais sur les écrivains de la mauvaise conscience de l'Amérique. Du Sud. Le Sud en particulier. Voilà. Flannery O'Connor, Faulkner, évidemment. Et puis, ou même un écrivain comme Truman Capote. Voilà, donc il a écrit quelques chroniques sur ses auteurs. Alors Salinger, ce qui est très drôle, vous n'aviez pas le temps de le mentionner, mais qui fait ce rapprochement, et au fond, comme tous les rapprochements, il faut être prudent. Mais c'est vrai, il dit au fond, Salinger, c'est le Boris Vian américain. Et il y a quelque chose d'assez juste là-dedans. Et il y a un lien entre Boris Vian et Le Clésio, vous voyez un lien? J'aurais du mal à développer comme ça, improviser. Je comprends. Mais ça restera un petit peu un mystère et si nos éditeurs veulent le lien débattre avec sur D.H. Twitter, Lawrence. Je les encourage. Le lien avec. Ah bah il y a la nature là du coup dans. Oui et aussi une certaine forme de primitivisme, qui s'inscrit dans une longue tradition occidentale. Et ce primitivisme, cher Mathieu, est lié quelque part au Nouveau-Mexique. Mm-hmm. Puisque vous savez que pour des raisons Jean-Marie Le Clézio, avec sa famille, s'était installé au Mexique pendant plusieurs années, puis c'était devenu dangereux. Au Mexique et au Nouveau-Mexique, parce qu'il a habité aux États-Unis. Côté américain. C'est assez étonnant. Oui. C'était devenu dangereux pour les expatriés, enfin les étrangers qui vivaient en famille au Mexique. Il y avait des enlèvements, des problèmes. Et donc, il est allé au nord de la frontière, au Nouveau-Mexique, qui appartient aux États-Unis. C'est un État des États-Unis, limitrophe du Mexique. Et le Nouveau-Mexique, à Albuquerque. Oui. Et il a acheté une maison là, il a vécu là, ses filles ont été éduquées là. Et je crois que c'est important parce que c'est le Nouveau-Mexique, c'est un lieu très particulier dans la culture américaine, nord-américaine, des États-Unis, parce qu'il y a une très ancienne tradition, c'est une mecque pour les écrivains, les intellectuels et les artistes. Je vais jeter des noms, Georgia O'Keeffe, que tout le monde connaît, là. Cette peintre magnifique, depuis les années 30, le Nouveau-Mexique est un espace de fascination. Oui. Et puis il y a les Indiens aussi. Et précisément, il y a une couche vraiment amérindienne, très vivante. Mm-hmm. Est-ce que vous êtes allé au Nouveau-Mexique ? Non. C'est un voyage pas comme les autres. C'est pas comme de faire un petit voyage à l'étranger. C'est comme d'arriver sur une autre planète. Oui, parce que c'est vrai qu'on se dit... Le Clézio est un peu en lutte quand même contre le progrès matériel, voilà. Et il va vivre aux États-Unis où il vit une extase matérielle, mais forcément dans le sens que lui envisage. C'est un voyage géologique. Il faut comprendre que c'est le Nouveau-Mexique, c'est quand même un tiers de la France à peu près en superficie, à lui tout seul. Alors vous ajoutez l'Arizona et les États limitrophes, c'est gigantesque. Et c'est un désert, mais pas un désert dans le sens Sahara. Au niveau géologique, la couleur des pierres, etc., change toutes les 20 minutes si vous êtes en voiture. Mm-hmm. Donc vous pouvez... c'est absolument spectaculaire. Les gens avec qui je parle me disent, le seul autre endroit sur cette planète où vous avez une expérience similaire, c'est l'Australie peut-être. Mm-hmm. Donc c'est un espace très particulier au niveau géologique et je dirais même cosmique, si vous voulez. Et puis d'autre part, vous avez cette couche très vivante. Les nations indiennes sont présentes, actives, et voilà. Et vous pouvez visiter des kivas. Vous voyez ces centres cérémoniels souterrains au Nouveau-Mexique, parce que chez les Indiens Pueblo, par exemple, l'idée, c'est que les hommes ont émergé du sous-sol, un peu comme les fourmis. Donc, il y a puis il y avait la chaleur du désert. Les gens faisaient ces rituels en souterrain. Donc, vous avez un contact réel, quotidien, avec ces cultures amérindiennes très anciennes et très vivantes. Vous avez aussi la couche anglo, hein, c'est un état de l'Union, et en même temps la couche hispanique, très vivante aussi, parce que la frontière est poreuse, vous le savez, on en parle beaucoup avec le président Trump. Vous avez cette migration massive, hein, à travers la frontière. Voilà qui donne envie d'aller à Albuquerque et à visiter le Nouveau-Mexique. Vous avez de la chance, vous pouvez le faire facilement, Bruno Thibault. Ce qu'on comprend ce que vous venez de dire, c'est que Le Clézio, c'est d'abord un poète, et c'est un poète du paysage et de l'histoire ancrée dans le paysage. Oui, c'est tout à fait juste. En même temps, et vous en avez parlé dans les autres émissions, un lien très particulier à cette terre et à l'écologie. Je vous rappelle que le Nouveau-Mexique, c'est aussi la terre d'Aldo Leopold, qui est un des pionniers de l'écologie aux États-Unis, hein, qui a écrit son fameux almanach du Comté des Sables, qui a été traduit en français et préfacé, cette traduction française, préfacée d'un bel essai de Jean-Marie Le Clézio. Donc voilà, tout est là. Et D.H. Lawrence a vécu et mort au Nouveau-Mexique. Et il a écrit le serpent à plumes là-bas. Il y a quelque chose qu'il faut dire aussi, Bruno Thibault, dans les influences, les références de Jean-Marie Le Clézio, c'est le retour à la France. Est-ce que, pour prendre l'autre prix Nobel français, Patrick Modiano, on peut faire des comparaisons entre les deux écrivains? On peut pas parler d'influence parce que c'est des écrivains qui sont très différents. Et ce sont des grands taiseux. Des grands taiseux. Alors, voilà, on peut trouver des points communs quand même. Alors d'abord, c'est ce qu'on a appelé le doublé français. Beaucoup de pays ont jalousé ces deux prix Nobel à quelques années d'intervalle. Pas seulement les États-Unis qui étaient verts de jalousie de voir le Nobel attribué à deux Français. Et puis surtout qu'ils attendaient Philip Ross, ils attendaient Bien sûr, gens comme ça. Voilà. Et puis, pas juste aux États-Unis, d'autres pays aussi. Bref. Alors, il y a beaucoup de points communs. D'abord, dans les deux cas, il y a la question du père, la hantise du père, un rapport problématique avec le père. Bien sûr, vous avez évoqué ça avec Michel Gazier et d'autres. Mais un autre point important, c'est ce qu'on appellerait, avec Marianne Hirsch, qui a écrit des essais Family Frame dans les années 90, c'est cette idée de la post-mémoire. Un point commun entre Le Clésio et Modiano, c'est l'écriture du trauma. Mm-hmm. C'est-à-dire, il y a un traumatisme historique. Bon, dans le cas de Modiano, c'est évidemment la Shoah, l'antisémitisme. Dans le cas de Le Clésio, dans son histoire familiale, il y a le colonialisme à Maurice, donc le racisme, l'esclavagisme, etc. Donc c'est, voilà les deux traumas. Mais le problème, ce sont deux écrivains qui n'ont pas vécu personnellement cette situation. Ce sont deux écrivains, ils sont nés la même année, en 40, et eux, ils sont plutôt de ce que Marianne Hirsch appelle la post-mémoire, c'est-à-dire des gens, vous construisez sur les récits générationnels qui vous ont précédé, mm-hmm. qui parlent de ce trauma que vous n'avez pas vécu, et vous avez donc une compréhension fragmentaire de cette identité-là. Et ça pose la question, quand même, pour l'un comme pour l'autre, comment parler, peut-on même voilà. s'autoriser à parler de voilà. traumatismes qui finalement ne sont pas les nôtres voilà. En l'occurrence, Le Clésio a-t-il le droit? Et voilà. ça repose cette question de l'appropriation, décider qu'il est un Indien et que, du coup, il peut parler à la place des Indiens du génocide indien. Précisément. Et ça pose, pour un écrivain, vous avez tout à fait raison, et ça pose des problèmes de technique narrative aussi. Parce qu'il ne s'agit pas de faire une sorte de discours ou de narration continue qui serait une sorte d'exposé des méfaits qu'on a fait à tel ou tel groupe, et donc de se faire le porte-parole de ce groupe. Vous voyez, c'est ce que vous dites, ça serait tout à fait en porte-à-faux, etc. Et ça fait des narrations, comme je l'ai dit, un petit peu incertaines, certainement décousues, fragmentaires, parce qu'elles sont au plus proche de l'expérience du traumatisme. Mm-hmm. Je ne sais pas si je viens bien de... Je crois. Je crois. Alors, mais la question, c'est est-ce qu'on peut dépasser le traumatisme, et est-ce qu'il y a une porte ouverte, par exemple chez Le Clésio, pour dépasser ce traumatisme? Quelle différence à ce sujet entre Modiano et Le Clésio? Dora Bruder est une espèce de... C'est une biographie romancée. C'est pas exactement... C'est documenté, c'est construit sur des archives. Modiano, là, parle d'une personne qui a vraiment vécu, qui a disparu, qui a fui dans les années 40, une jeune israélite. C'est un récit avec, évidemment, des éléments personnels que Modiano glisse dans le livre. Un type de narration possible de la post-mémoire, si vous voulez. Chez Jean-Marie, c'est un petit peu différent. Dans plusieurs romans, pas seulement Étoile errante, qui parle de la question juive, dans plusieurs romans, vous avez deux voix. Mm-hmm. C'est une narration double. Prenons le dernier. Alma, par exemple. Voilà, très bel exemple. Rapidement, alors. Oui, très bel exemple. Vous avez deux mémoires, deux voix qui se croisent ou qui s'accompagnent. Jérémy Felsen est un jeune homme français, si vous voulez, qui retourne à Maurice, qui va découvrir, il va faire des recherches sur le dodo, un oiseau fabuleux qui a disparu. Et en fait, il va découvrir l'histoire de sa famille et l'esclavagisme colonial de la plantation Felsen, etc. Puis un autre personnage. Dodo, qui est un vagabond. Aussi Dodo. Voilà. Qui est une, voilà. C'est un hobo. Un hobo, exactement. Dodo un le SDF. Hobo. Voilà. Et qui, lui, dont le langage est tout à fait déconstruit, enfin, n'arrive pas à se structurer parce qu'il reflète, justement, l'expérience du traumatisme. Et quelque part, dans plusieurs romans de Le Clésio, notamment La Quarantaine, on en a parlé, il y a la tentative d'une fusion. À un moment, ces deux personnages se croisent. Dans le cas d'Étoile errante, la jeune palestinienne, Nejma, va croiser la jeune juive, Esther, au moment où Israël, en quelque sorte, occupe les terrains palestiniens, les terres palestiniennes. Et voilà, elles vont échanger un regard, échanger un carnet. Et voilà, donc par l'écriture, il y a peut-être la possibilité d'une fusion. On l'espère en tous les cas. Voilà une belle ouverture pour terminer cette série. Merci beaucoup Bruno Thibault. Je renvoie nos auditeurs sur notre site internet pour retrouver les références de vos ouvrages. Et C'était donc La Compagnie des œuvres, une émission de Didier Pinault, Laurence Millet, Laurence Genepin, Anne-Vanessa Prévost, Hélène Rivière et Inès De Bruyne. La semaine prochaine, nous embrasserons une œuvre musicale puisque nous parlerons du grand compositeur Frédéric Chopin. Mais tout de suite, on retrouve les sciences sur France Culture.